Hier, je t'ai offert un verre. Je voulais baiser ta femme. Ouais. J'ai deux chaussettes Nike pour entrer dans ta rame. Merci, merci. J'ai garé le Mercedes juste devant le Chelsea. Demain, je ferai Bercy. Je connais le marque et la table, le tueur de la taupe. Un 3, ça va être gratos. Oh, plata, plata, plata. Je les vois gentiment péter, je souris, rien. T'as pas de rhum, on va attacher la tata. J'ai regardé la face, leur verre était traîné. Tire pas la tronche aux potes, nous on vient d'aller. Whisky jet lag, regarde la marque du bronzage. Titas, femme, sus, sus. Digue sans moi comme dans une poubelle russe. Moyen physique et logistique. De Glock qui pend à mes bretelles. Je fous mon Benelli dans les taux. Je le suis pour vous charcler d'un peu plus près. 36 millions d'amis à taux. On serait locataires si on les avait gardés. Je transpire, je dors mal. Mon sang fait des bulles, je pense au pire. Ça conspire, c'est normal. J'en ai trois en platine, ça les fait cuire. Je vais me nourrir, leur haine, pour survivre. Je vais mourir, debout, c'est pas pour rire. J'ai roulé ma base, c'est de la vermine. Une arme, trois carrés de base. Je suis là où ça tire. Y'a pas plus faux qu'un smile, pas plus vrai qu'un homicide. La vie c'est une villa de gaz, tu putes dans la berline. Le truc c'est de se poser à l'heure, j'suis jamais en retard. Aucune femme pour une et un œuf. Pour toi j'en ai deux. J'rêvais de plein de trucs dans des salles de bain. Aujourd'hui on a tout bien plus. Voilà très triste dans ton regard. J'ai pas le moindre doute, c'est sûr. Démarre la camionnette, j'ai faim, prépare le barbecue. Dans ta bouche la parole des autres, on est au top, t'es qu'une putain de marionnette. J'aime les culs, je laisse passer les femmes, rien que tu les écartes, t'es l'arnaque du siècle. J'aime le cuir qu'il y a dans l'habitacle, le tableau de bord, les sièges couleur café crème. Dans la rame, y'a 2-3 vandales, ils vont poser au spray le mot homicide. Vu que la mort d'un homme c'est un drame, celle d'un million une statistique. Ma go est maquille et ma caisse aussi, j'ai bien aucun souci. T'es pas si chaud à croire ce qu'a dit ta poussée, toi tu t'es adouci. J'suis pueblo comme FOC, j'étais en manif de printemps. Maintenant c'est l'argent de la société qui paie nos vacances en été. Motherfuck. Tous les terrains, tous les rentés. Glock sur les R1, sur les RR. Ça fait 2 ans, je leur mets QLD. J'aurais dû faire doucement la portière. J'ai enroulé ma base, sous la vermine. Une arme à 3 carrés de base. J'suis là où ça tire. Y'a pas plus faux qu'un smile. Pas plus vrai qu'un homicide. La vie c'est une villa de gaz. Tu putes dans la berline. Le truc c'est de se pointer à l'heure. J'suis jamais en retard. Aucune femme pour une et un homme son cœur. Pour toi j'en ai deux chargés. J'rêvais de plein de fric dans des sacs de main. Aujourd'hui on a tout bien plus. Voilà très triste dans ton regard. J'ai pas le moindre doute si c'est. Le truc c'est de se pointer à l'heure. J'suis jamais en retard. Aucune femme pour une et un homme. Pour toi j'en ai deux chargés. J'rêvais de plein de fric dans des sacs. Aujourd'hui on a tout bien plus. Voilà très triste dans ton regard. J'ai pas le moindre doute, c'est sûr.